découverte de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gumazo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM aujourd'hui, je suis avec Sylvie. Bonjour, comment ça va ? Bonjour Laura, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors, moi je m'appelle Sylvie, je suis venue dans les Vosges en 2016, j'habitais à Jeuf en 54. Donc je suis actuellement énergéticienne et sonothérapeute en auto-entreprise au syndicat, donc pas loin de Remiremont. Voilà, je suis une maman comblée de 3 enfants, donc je suis très fière. Hein, une fille Elisa qui est passionnée par le chant, la musique, la nature et qui fait des soins aussi comme moi. Mon autre fils qui travaille en PPMA et qui remporte plein de concours là, et qui est passionné par tout ça. Et mon autre fils Adrien qui a ouvert sa boulangerie il y a tout juste un an à Dounou, près d'Épinal. Voilà. Et 2 petits-enfants, Laïna et Timéo, que j'embrasse très fort. Voilà, donc je suis quelqu'un de très passionné qui prend du temps pour les personnes qui viennent me voir, qui me font confiance. Et je les aide sur le chemin, je les guide sur leur cheminement, voilà, pour du mieux-être en tout cas, pour leur apporter tout ce qu'il faut pour leur auto-guérison. Votre enseigne s'appelle Être soi-même avec une orthographe assez particulière. Il fallait trouver un nom d'entreprise, j'ai longtemps cherché quelque chose qui me correspond et je pense que rester soi-même, c'est important de ne pas faire des choses pour faire plaisir aux gens, c'est rester soi-même. Et du coup, j'ai joué avec les mots. Donc, l'être, l'arbre, hein, l'être. La soie pour la douceur et la transformation du papillon. Et le verbe aimer qui est important. S'aimer soi-même et s'aimer, aimer les autres, je pense que c'est quelque chose de primordial dans le bien-être. Parce qu'il paraît, il faut déjà s'aimer soi-même pour aimer les autres. Tout à fait, tout à fait. Il faut passer d'abord par soi, on est les plus importants. Hein. Dans le bien-être, il faut d'abord s'aimer et penser à soi et après, on peut penser aux autres. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre enseigne ? Ben, je pense qu'au départ, j'étais assistante vétérinaire, j'ai toujours été dans les soins mais des animaux. Ensuite, j'ai travaillé en maison de retraite, voilà, maintenant je suis aussi auxiliaire de vie indépendant. Mais le bien-être, apporter quelque chose aux autres et les aider sur ce cheminement. Bon, je suis passée par des problèmes de santé, c'est ça aussi qui m'a amenée vers les énergies. Voilà, j'y suis depuis très très longtemps, hein, puisque ça fait même, je pense en 2009... Enfin, 2006, où j'ai commencé, je crois, même avant. Bref, ça fait très longtemps. Et je pense que, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à être dans les énergies, à m'intéresser à tout ça, au bien-être. Et voilà, je suis une passionnée de tout ça et j'adore aider les gens et être à leur écoute et pouvoir, comme je dis, les aider sur leur cheminement, quoi. Voilà, c'est important. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre profession ? C'est surtout un accompagnement, comme je disais. Hein, un soin, on le fait à deux, hein. Chacun son libre arbitre, donc c'est important de comprendre ça. Quand on va voir un thérapeute, je pense qu'il faut pas être dans une attente, sinon on peut bloquer, consciemment ou inconsciemment. Il faut lâcher prise, il faut sortir de sa zone de confort, et tout ça, c'est pas facile à faire. Donc je suis là pour leur donner des conseils et les accompagner dans ce cheminement. Mais il faut le vouloir aussi, aller chercher sa force au fond de soi, on l'a tous. Mais c'est pas des choses faciles à faire, c'est sûr. Mais bon, voilà, je pense que les thérapeutes sont là pour aider les personnes qui le veulent bien, surtout, qui veulent s'en sortir et cheminer. J'ai lu quelque part que l'hypnothérapie, ça fonctionne que si vraiment vous êtes prêt à accepter de faire cette séance, à vous laisser aller. Dans tous les soins énergétiques, je pense que c'est ça. Hein. Il faut une volonté aussi, il faut savoir ce qu'on veut. Et il faut prendre sur soi, comme je disais, hein, sortir de sa zone de confort, rien attendre et lâcher prise. Et tout ça, c'est pas facile à comprendre, à faire. C'est un processus et chacun va à son rythme parce que chacun est différent aussi. Donc, il faut pas vouloir aller trop vite. Des fois, il faut du temps pour pardonner. C'est un beau cadeau qu'on se fait à soi-même et comprendre les choses au fur et à mesure. Est-ce que vous avez suivi une formation ou passé un diplôme pour exercer votre profession ? Oui, il y a très longtemps, comme je disais, hein, ça fait au moins 20-30 ans voilà, que j'ai commencé à passer. Bon, moi, c'est surtout, je suis formée au Reiki, au magnétisme et au Laochi, mais le Reiki me parle plus parce que c'est complet. On s'occupe vraiment de la personne dans sa globalité, que ce soit physique, mental, l'âme de la personne. Et tout ça fait un tout et tout ça est important dans le processus, je veux dire, voilà. Donc, on va aller chercher la cause du problème en Reiki qu'on ne fait peut-être pas dans d'autres. Tout est bien, hein, je veux dire. Après, il faut trouver le bon thérapeute et la bonne méthode. Chaque corps est différent, chaque personne est différente et on peut pas attirer tout le monde non plus. Hein. Voilà, donc c'est important. Et hormis le besoin d'aider les autres, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter vers ce domaine en particulier ? C'est un besoin que j'ai. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été à l'écoute. J'ai toujours aidé tout le monde. C'est important pour moi de pouvoir les aider dans leur cheminement. Je pense que c'est déjà s'aimer, c'est pas facile à faire comprendre aux gens tout ça. Donc je pense qu'il faut prendre du temps. Et le temps, je le prends puisque je prends pas beaucoup de monde en même temps. Je préfère la qualité que la quantité. Et voilà, quand on vient chez moi, on sait pas. on prend le temps. Je veux dire, j'ai pas envie de faire des soins tous les heures, voilà, et en faire vraiment un business. Mais j'ai vraiment envie d'accompagner les personnes jusqu'au bout. Est-ce que l'empathie, ça fait partie d'une qualité qu'il faudra avoir? Oui, je pense que j'ai un vécu, bon, on a tous un vécu qui est pas facile, hein, on a tous, comme je dis, notre sac à dos, mais ce côté empathie que j'ai, bon, c'est par, qu'on a beaucoup, hein, j'espère que tous les thérapeutes l'ont aussi, c'est par rapport à un parcours qu'on a eu aussi, donc on peut comprendre beaucoup de choses et être à l'écoute, justement, et donner des bons conseils, parce qu'on a passé des choses, on a vécu des choses, et c'est ça qui fait ce qu'on est aussi. Je veux dire, dans le négatif, il y a toujours du positif, et il faut trouver une force pour avancer, c'est important. Est-ce que vous travaillez seul ou en équipe ? Non, je travaille seul. Est-ce que vous envisagez d'avoir du personnel par la suite ou pas ? Non, je pense pas. L'univers a fait en sorte que quand j'ai voulu partager, malheureusement, ça n'a jamais fonctionné parce que je pense qu'il y a beaucoup de jalousie aussi dans ce domaine, malheureusement, alors qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà, mais bon, je pense que non, ça c'est pas envisageable. En tout cas, je pense que justement ce parcours que j'ai eu à vouloir partager, ça m'a jamais apporté quoi que ce soit de bon. C'est quoi le profil d'âge de votre clientèle à peu près ? Il y a de tout parce que on fait pas de mal, hein, en énergétique, hein, donc que ça soit les bébés, des femmes enceintes, des personnes âgées, des adultes, voilà, des animaux aussi, hein, parce que voilà, ça passe aussi par le mal-être d'animaux. Je veux dire, c'est large au niveau, c'est étendu, donc ça peut être tout le monde. On va dire, c'est adapté vraiment à tout le monde. On peut pas faire de mal en énergétique, donc voilà. Nous allons faire une première pause musicale avec une petite découverte. Nous en parlerons juste après. D'accord. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Why is man saying only fool rushing blind? Falling in love with you, should I stay? Would it be a sin if I can? Surely to the sea, darling, so it goes, something I meant to be. Take my hand, take my own life too. For I can't help falling in love with you. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait rincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je dois au mauvais temps, je dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage, par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest, la veille des cris du toit, allumait ses feux d'artifice, bondissant de sa couche, en costume de nuit, ma voisine affolée, vient cogner à mon nuit, en réclamant mes bons offices. Je suis seule et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié, mon époux vient de partir, faire son dur métier, pauvre ma Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Sylvie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce qu'on vient d'entendre, Sylvie ? Alors, voilà, c'est ma fille qui chante, elle est autodidacte, elle a appris à chanter toute seule et à jouer du ukulélé et de la guitare toute seule, donc je voulais lui faire un petit clin d'œil parce que je sais qu'elle a un petit peu de mal à se mettre en avant. Et voilà, je trouve qu'elle a une très jolie voix et voilà, je voulais que les personnes puissent l'écouter aussi et en profiter. Voilà. Je confirme, elle a une très jolie voix. D'ailleurs, on écoutera aussi deux autres de ses prestations plus tard. Donc, on va revenir sur votre enseigne et votre savoir-faire. C'est quoi le Reiki ? Alors, le Reiki, ben, c'est une méthode holistique d'énergie. On prend de l'énergie de l'univers qu'on retransmet avec nos mains. Et voilà, je veux dire, on essaye que la personne se détende sur une table de massage pendant une heure. Hein. On va agir de la tête aux pieds, on va lui apporter l'énergie nécessaire. Hein. Et du coup, ben, ça va la déstresser dans un premier temps, c'est sûr. Et ensuite, ben, ça va enlever peut-être les blocages au fur et à mesure des séances, parce que c'est vrai qu'une séance, c'est pas miraculeux, on n'a pas une baguette magique non plus. Hein. Tout dépend de ce que la personne va en faire aussi, le travail qu'elle va faire derrière. Comme je disais, c'est important de faire ce soin à deux. Après, chaque personne a son libre arbitre, on fait ou on ne fait pas, hein. Ça je peux pas faire à leur place. Et donc ça va amener à débloquer tout déblocage qu'on a, conscient ou inconscient surtout aussi, pour un mieux-être, pour comme je disais, cheminer, avancer dans sa vie et pouvoir avoir du mieux-être et puis se sentir beaucoup mieux, quoi, en tout cas. Et ça vient d'où le Reiki ? C'est une méthode japonaise hein, que maître Mikao Usui a fait il y a très longtemps. Hein, je veux dire, enfin, l'énergie a toujours existé hein, dans notre monde et ailleurs. Donc, on soigne avec l'énergie parce qu'on est fait d'énergie, on est fait de vibrations. C'est pour ça aussi que autant le Reiki, le magnétisme ou d'autres méthodes hein, ou la sonothérapie avec les vibrations agit sur le corps puisqu'on est fait des deux. Et comment est-ce que vous avez appris l'existence de cette pratique, Sylvie ? On pourrait dire par hasard, mais il n'y a jamais de hasard dans la vie. Hein. Je pense que justement, suite au moment où je suis tombée malade, eh ben, on cherche des solutions hein, et on cherche des thérapeutes. Et je suis tombée sur un thérapeute qui a fait ça, qui m'a formée. Et après, bon, ben voilà, ça, le cheminement s'est fait tout doucement avec le temps. Et voilà, on évolue. Pas parce que je suis maître Reiki que je suis au-dessus des autres. Hein. Je veux dire, voilà, j'ai mon cheminement à faire aussi. J'évolue au fur et à mesure. Et j'aide les personnes donc à évoluer aussi sur leur chemin de vie. Vous disiez que vous pratiquez des soins énergétiques. Certaines personnes y dégagent de la chaleur et d'autres de la fraîcheur. C'est quoi, vous ? Voilà, c'est ça. Ben, c'est tout à la fois. Autant le thérapeute que la personne qui est sur la table peut ressentir de la chaleur, du froid, des picotements. Il y a plusieurs sensations ou alors rien ressentir du tout, mais l'énergie passe de toute façon. Ça, c'est clair. Après, je vous dis, ça dépend si on bloque ou non, si on est en lâcher prise aussi, si on laisse faire les choses. Plus on laisse faire, plus on est en lâcher prise, plus on va ressentir et plus le travail va se faire. Mais c'est des soins qui marchent à 100%, c'est sûr. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est quoi les bienfaits de ce soin ? Ah bah, c'est à tous les niveaux, comme je dis. Hein. Moi, je suis persuadée qu'on peut guérir de toutes les maladies. Donc, si on le veut, vraiment, si on va chercher sa force en fond en soi, si on se donne les moyens de le faire. Donc, tout, ça peut être du stress, du burn-out, du problème de sommeil, des addictions, des peurs. Il faut dépasser, justement, je pense qu'on se s'auto-sabote soi-même, justement, par nos peurs, nos formatages, nos croyances. Je veux dire, donc là, il faut essayer de dépasser et casser tout ça, justement, et sortir de cette zone de confort et lâcher prise. Je reviens sur les mêmes choses, mais c'est important de le comprendre. C'est quelque chose de super important pour avancer, justement. Ça se fait au fur et à mesure, hein. C'est pas vouloir aller trop vite non plus. Puis faire confiance aussi au thérapeute, c'est sûr, c'est pour ça que c'est important de bien le choisir. Je pense qu'on ait une relation de confiance entre la personne et le thérapeute. Est-ce que ça fonctionne aussi sur les animaux ? Oui, tout à fait. Je dirais d'autant plus sur les animaux et les bébés en bas âge ou les petits-enfants, puisqu'ils ne sont pas formatés. Ils sont naturels, on va dire. Enfin, il n'y a pas de formatage chez eux, donc ça marche très bien. Alors, il n'y a pas besoin d'un soin d'une heure, hein, c'est sûr. Sur ces animaux ou ces bébés, c'est pas longtemps, c'est quelques minutes, quoi. Hein. C'est pour ça que c'est très beau de faire ça avec des animaux et des bébés. Est-ce que vous avez souvent des personnes qui vous amènent leurs animaux de compagnie ? Oui, ça m'arrive aussi. C'est sûr que les gens ont peut-être moins l'habitude d'y penser pour voir un thérapeute, mais aussi, ça arrive aussi. Les animaux, les femmes enceintes aussi, hein. Enfin, voilà. J'ai tout fait, les bébés. Enfin, voilà. Je pense que j'ai fait tout ce qui est possible de faire, différentes personnes ou différentes situations. On peut faire sur les situations aussi, hein, pour aider aussi à déstresser par rapport à un entretien, par rapport à un vécu, par rapport à quelqu'un qui, par exemple, qui a subi un viol ou je veux dire, qui a une addiction. Mais encore une fois, les addictions, il faut le vouloir. On peut aller voir n'importe quel thérapeute. Si on n'a pas la volonté derrière, c'est pas possible, ça sert à rien. Mais on peut les aider à arrêter. Mais il faut la volonté. C'est vrai, parce que quand on dit les addictions, si toutes les personnes de votre entourage vous disent « t'as tel problème, faut que tu le résous », mais si vous n'avez pas vraiment envie de le faire, ça ne fonctionnera voilà, jamais. Voilà, c'est ça. Si la volonté est derrière, on peut y arriver. Hein, j'ai déjà réussi à aider des personnes qui fumaient soit du cannabis ou autre chose en quelques séances, mais voilà, la volonté était là, et c'est ça qui est important. Sinon, franchement, ça ne sert à rien d'aller voir un thérapeute, dépenser de l'argent pour rien, et si vous le voulez pas vraiment au fond de vous, quoi. Est-ce que la pratique du Reiki peut guérir une pathologie ou est-ce que ça nous permet de vivre avec au quotidien? Ça dépend, encore une fois, les deux. Je dirais, tout dépend de ce que la personne est prête à faire. Je veux dire, ça peut soit améliorer les douleurs, ou qu'on puisse, il faut déjà accepter aussi ces douleurs pour pouvoir vivre avec, mais ça peut aussi les guérir. Mais c'est pas moi qui vais les guérir, c'est elle-même qui va s'auto-guérir. Moi, comme je dis, je suis qu'un guide. Je vais l'aider sur ce cheminement, mais c'est elle qui va faire le travail derrière. Est-ce que les effets d'une séance de Reiki sont immédiats ou est-ce qu'il faut venir plusieurs fois? Je vais vous dire, on dit qu'il faut au moins minimum 4 séances pour vraiment lancer le processus d'auto-guérison. Après, voire plus, tout dépend du problématique, si ça fait longtemps que la personne l'a, si ça vient de l'enfance, si c'est quelque chose de récent. Il faudra peut-être faire des séances sur un mois pendant peut-être 6 mois, 1 an. Ça dépend de la personne et du sac à dos, du vécu qu'elle a eu et du temps qu'elle fait pour assimiler le travail qu'elle fait derrière. Chacun va à son rythme. Est-ce qu'il faut une période de repos après avoir participé à une séance de Reiki ou on peut reprendre notre rythme de vie quotidienne? On peut reprendre. Moi, je préviens les gens que des fois, il peut avoir une crise de guérison le lendemain ou les jours qui suivent. Donc, une crise de guérison, ça veut dire que le corps élimine les toxines, tout ce qui va pas, tout ce qui est négatif. Donc, on peut avoir des petits maux comme un mal de tête, une petite diarrhée, un petit rhume, un mal de gorge. Voilà, c'est tout. C'est pas quelque chose d'insurmontable. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Donc, faut le savoir quand même. Mais ça dure pas longtemps. Est-ce que les personnes qui viennent vous voir se sentent mieux après une séance? Est-ce que vous avez déjà eu des retours? Ah oui, des retours, j'en ai eu plein, des bons retours. Et on voit sur mon site, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont mis un message. Bon, je le demande pas spécialement. Hein. Les gens qui y pensent le font, ceux qui y pensent pas, c'est pas grave. Hein. Moi, je pense que j'en ai déjà assez. Je fais ça depuis longtemps, j'ai de très bons retours et je me fais confiance là-dessus. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, quoi. Les retours sont là. Il faut savoir aussi qu'on est coupeur de feu. Les gens ne le savent pas beaucoup aussi. Hein, j'ai souvent coupé le feu aussi et c'est quelque chose qui fonctionne très bien aussi. Mmh. C'est important de le signaler peut-être aussi. Je vous avoue que je suis assez sceptique sur cette pratique parce que j'ai l'ex-femme d'un de mes cousins qui fait ça par téléphone. Alors, on peut le faire à distance, oui. Il n'y a pas d'espace-temps dans l'énergétique. C'est peut-être plus dur à comprendre parce qu'il faut être dedans peut-être pour le comprendre, mais ça fonctionne. Que ce soit en présentiel ou à distance, c'est pareil. Si on bloque, on bloquera. Hein, si on met des blocages conscients ou inconscients, on bloquera de toute façon. Moi, je privilégie le préventiel parce que ce côté empathe et que j'adore les gens, les animaux. Enfin voilà, je préfère voir les gens chez moi, c'est sûr, et faire la séance en présentiel. Mais il faut savoir que ça fonctionne pareil. Que vous soyez en présentiel, à côté de moi, sur ma table, ou vous soyez à 100 000 km, le soin sera pareil. Ça se passe comment quand c'est à distance, justement? Eh ben, on s'isole, on se met dans l'énergie et puis on envoie. Tout simplement, et on se connecte. Bon, soit on se connecte à la personne si on la connaît en visuel, hein, on la voit à l'intérieur de nous. Ou soit, on demande une photo avec son nom, son prénom, sa date de naissance pour être sûr d'envoyer à la bonne personne. C'est important aussi de pas se tromper parce que des fois, des homonymes, des noms qui se ressemblent, il peut en avoir aussi. Et c'est pas le but d'envoyer quelqu'un d'autre qui a pas fait la demande. Donc, oui, voilà. C'est soit on visualise si on connaît la personne, soit on demande une photo avec nom, prénom et date de naissance. Est-ce que le fait d'envoyer de l'énergie à des personnes, est-ce que ça peut vous fatiguer? Est-ce que ça peut vous en enlever à vous? Non, ça fatigue pas, parce que c'est pas mon énergie que je prends l'énergie de l'univers, je fais appel à l'énergie de l'univers, donc qui repasse par moi et que je redonne. Donc, nullement, ça me fatigue. Bon, il y a certaines personnes qui prennent leur énergie, et là, c'est vrai que c'est pas bon. Mais voilà, libre à chacun après de faire comme il veut. Mais non, ça peut pas me fatiguer. Nous allons maintenant parler des autres soins que vous pratiquez, à savoir le soin au bol tibétain thérapeutique XXL. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, je fais des soins de sonothérapie Donc la sonothérapie, comme je dis, on utilise les vibrations. Ça passe pas par par les mains, mais ça passe par l'eau. Hein, on est fait de beaucoup d'eau. Donc le cœur qui bat, c'est une vibration. Le vent qui souffle aussi. Donc voilà, ça parle aussi au corps autant que l'énergétique, les vibrations. Donc j'utilise soit des tambours chamaniques, des bols tibétains, indiens en cristal, des drums, des gongs, des carillons de goshi, des bâtons de pluie, des tambours océans. Enfin, il y a plein d'instruments qu'on peut utiliser. Et là, récemment, j'ai deux nouveaux soins, oui, qui viennent s'ajouter à ce que je fais. Donc, il y a le gros bol tibétain XXL, qui a une grosse puissance vibratoire et sonore, et qui est composé de 3 sons harmoniques. Donc, on met les pieds dedans, là. C'est vraiment un gros bol où on met les pieds dedans. Ça nettoie donc les couches de l'aura, ça déparasite les mémoires, les entités. Ça réaligne l'équilibrage et harmonise les chakras, les roues énergétiques. Ça fait un micro-massage plantaire et les points d'acupuncture. Et ça réinforme l'eau corporelle, les fluides. Ça débouche les mini-canaux sanguins et lymphatiques par micro-vibration. Donc c'est un bol que j'invite à découvrir aussi, qui est très intense et qui fait beaucoup de choses. Hein. Donc à venir découvrir peut-être dans une séance de sono ou juste le bol ou juste... Le Reiki, c'est libre à choix. Il y a plein de choses différentes que je propose. Donc voilà, ça fait partie d'un des nouveaux soins que je fais. Le Jumbo Drum, c'est le tambour de corps complet. C'est un tambour qui prend toute la table de massage. C'est moins connu peut-être aussi. Donc on peut mettre la chromothérapie ou non, des lumières ou non avec, selon le libre à chacun. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Hein, ça, c'est libre à chacun. Donc c'est un puissant amplificateur vibratoire qui stimule donc toutes les cellules de notre corps. Ça nous aide aussi à nous détendre, à nous ressourcer, à retrouver un état de bien-être global. Les vibrations permettent un réalignement physique, mental, émotionnel sur les différents pôles de notre corps. Ça harmonise et équilibre de nouveau les chakras. Ça élève notre taux vibratoire, c'est important aussi hein, pour les maladies, de se sentir bien et d'avoir un taux vibratoire très élevé. Ça relâche les tensions profondes, ça diminue aussi le stress, ça apaise les surcharges mentales. Ça favorise l'ancrage, le tambour aussi, et ça libère, encore une fois, les blocages émotionnels, énergétiques, conscients et inconscients. Voilà, il y a différentes méthodes, hein, comme vous voyez, hein, libre à chacun de venir les découvrir et de voir ce qui correspond à chacun aussi, parce que encore une fois, chacun est différent, chaque corps est différent, et voilà, ça plaît en général, de toute façon, hein, mais bon, voilà, libre à chacun de le découvrir aussi. Et c'est quoi les chakras ? Les chakras, c'est les roues énergétiques qu'on a sur notre corps. Il y en a 7 principaux, hein. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais 7 principaux. Et c'est vrai que si on a une émotion qui a pas réussi à s'exprimer, on n'arrive pas à pleurer, on n'arrive pas à parler, dire les choses à quelqu'un, eh ben tout de suite, ils sont désharmonisés. Et que ce soit en Reiki, en sonothérapie, on arrive à les réaligner. En tout cas, c'est ce que je fais. Hein. Dans mon soin, le soin dure environ 1 heure en énergétique ou en sonothérapie. Et je réaligne aussi les chakras. Et à la fin, je nettoie la personne au Palo Santo. C'est comme la sauge, le Palo Santo, on brûle. La fumée fait que voilà, on dégage tout ce qui est négatif aussi sur la personne. Voilà. Donc le soin est vraiment complet quand on vient me voir. Et ensuite, on discute. Hein. Le soin n'est pas fini. Hein. Avant, j'explique. Après, on fait le soin. Et ensuite, on fait un débriefing devant un thé, un café. On discute, je donne des conseils. Je pense que on prend vraiment le temps de parler, de faire ce qu'il faut et de donner des conseils pour continuer le travail derrière. Est-ce que pour chaque séance, vous utilisez par exemple des musiques de méditation ou des senteurs particulières comme l'encens par exemple ? L'encens, non, pas pendant un soin. Il y en a qui supportent pas, donc on peut le faire avant, mais pas pendant un soin. La musique, oui. Bon, je demande s'ils veulent de la musique douce, la mer, les oiseaux, ou s'ils veulent de la musique chantée. Il y a des chamans qui chantent. Moi, ce que j'ai vu, c'est que quand on met de la musique chantée, il y a moins d'émotions et moins de choses qui arrivent, on pense moins. Voilà. Parce qu'on se concentre plus sur le chant et moins peut-être sur la musique. Donc, c'est peut-être mieux pour ceux qui sont dans le contrôle et qui sont pas en lâcher prise. Mais après, libre à chacun. Hein. Moi, je fais ce que les gens me disent. Donc, s'ils préfèrent de la musique douce, on met de la musique douce. Hein. Voilà. Sur votre site internet, on peut lire que 10 minutes de tambour équivaut à 4-5 heures de méditation. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais 10 minutes de tambour drum, enfin le tambour XXL, en tout cas, qui prend tout le corps, ça équivaut vraiment à 5 heures de méditation. C'est très intense et ça permet vraiment de s'ancrer et de lâcher prise. Donc, c'est important aussi de pouvoir le faire. Pour ceux qui n'arrivent pas à méditer, parce que la méditation est très importante aussi dans le lâcher prise. Moi, j'incite tout le monde à méditer au sens large du terme. Méditer, ça peut être aussi danser, chanter, dessiner, marcher en conscience en forêt. Ça peut être plein de choses. Ça peut être pâtisser, cuisiner, jardiner. parce que c'est concentrer son mental sur autre chose, justement, parce que le mental fait beaucoup de mal aussi, parce que on ressasse le négatif, on ressasse notre sac à dos, notre liste de courses, tout ce qui est négatif. Et donc, j'incite tout le monde à méditer, même si c'est que 10 minutes par jour, mais méditer. C'est quoi la méditation? Parce qu'avant, on disait que c'était quand on réfléchissait beaucoup. C'est des pensées qui viennent en boucle, comme je le disais, tout ce qui est négatif. Donc, méditer, ça, c'est reporter son mental vraiment sur autre chose. Se concentrer sur ce qu'on fait quand on jardine, qu'on cuisine, qu'on chante, qu'on peint, qu'on lit un livre. On n'est plus concentré sur le négatif. Donc, c'est pour ça. Et ça crée des neurones. La méditation, c'est prouvé. Et ça apprend à lâcher prise, justement. Et la sonothérapie, ça apporte quoi comme bienfait? Pareil un peu que l'énergétique, moi je pense que c'est complémentaire, c'est deux soins différents, mais comme qui nous parlent, puisqu'on est fait des deux, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça déstresse, ça permet de débloquer émotionnellement ou physiquement tout ce qu'on peut avoir bloqué, donc que ce soit l'un ou l'autre, selon ce qu'on a besoin et selon ce qui nous parle, les deux amènent à une auto-guérison de toute façon. Et combien de temps dure une séance? Une heure environ, plus ou moins. Après, je suis pas à regarder ma montre, mais voilà, à peu près une heure. Après, comme je dis, j'explique beaucoup, beaucoup avant comment se passe la séance, qu'il faut faire, qu'il faut être en lâcher prise, tout ça, tout ce que je viens de dire. Et ensuite, on fait un débriefing après, donc faut compter au moins 2 heures quand on vient me voir, minimum. Est-ce qu'on peut venir seul ou en groupe pour faire ça? Alors, si on vient en groupe, c'est plutôt que si on fait une méditation en groupe. Le reste, c'est plutôt individuel. Sinon, je faisais des méditations avant le Covid. C'est de la méditation sonore et guidée que je faisais. Ensuite, on chante les voyelles et les mantras. Donc, c'est une méditation qui dure 2 heures aussi. Mais là, ça peut être en groupe, c'est sûr. Mais sinon, un soin, non, c'est individuel. Il faut que la personne puisse se détendre, se relâcher. Et on peut pas faire ça en groupe. C'est pas possible. Et ça se passe comment, une séance avec un groupe? Comment vous gérez ça? Les personnes arrivent, ils se mettent sur les tapis au sol. La première heure, c'est de la méditation guidée et sonore. Donc, on se détend, on revoit toutes les parties du corps. Voilà. Et ensuite, la deuxième séance, c'est plus énergétique puisque les gens reprennent la voiture et ils doivent repartir. Donc, on chante les mantras et on chante les voyelles. Chaque voyelle fait travailler une partie du corps différente et c'est plus énergétique justement pour pouvoir repartir. Donc c'est deux soins différents. La première heure c'est plus détente, on va dire, libération, et la deuxième plus énergétique. Et ce qui doit être compliqué quand vous gérez un groupe, c'est que chaque personne n'a pas forcément besoin de la même énergie aussi. Non, c'est sûr, mais en groupe c'est différent, c'est plus pour aider, c'est pas individuel, c'est pas pour vraiment relâcher une problématique où on va agir sur une personne individuellement. Un groupe, c'est plus de la détente, c'est plus pour prendre soin de soi, mais en partageant en groupe une énergie différente, c'est pas du tout pareil, on peut pas comparer une méditation en groupe avec un soin individuel, que ce soit énergétique ou vibratoire. C'est complètement différent. Parce que là, chacun vient avec ses énergies, comme vous dites, donc, il faut vraiment venir avec du recul et voilà, c'est vraiment global, c'est complètement différent. La problématique est pas la même. On relâche des choses, mais pas les mêmes. Et c'est quel type de groupe que vous recevez? Est-ce que c'est des membres de la même famille, des amis? Non, c'est des groupes différents. Je veux dire, c'est vrai qu'on m'a déjà demandé de faire un petit groupe famille, mais c'est des gens qui viennent de part et d'autre, de partout. Donc c'est des gens des fois qui se connaissent pas ou qui se connaissent, peu importe. Après c'est pareil, c'est convivial. Chez moi c'est la bonne franquette, comme je dis toujours. c'est cool. Je veux dire, donc on boit un thé, un café, on discute aussi après du soin. Ceux qui veulent rester, il y a pas de souci, il y a pas d'heure précise. C'est 2 heures de méditation, mais après ça s'éternise des fois. Et de tous les soins que vous prodiguez, qu'est-ce que vous utilisez comme matériaux? Je crois que j'en ai parlé un peu tout à l'heure. La table de massage, c'est sûr. Et ensuite, que ce soit en énergétique, c'est que mes mains. Que ce soit en vibratoire, c'est tous les sons que j'ai énumérés tout à l'heure, bol, tambour, chinka, gong, kairion de goshi, tambour océan, bâton de pluie, il y a plein d'instruments. Si je fais le massage au bol cansu des pieds et du dos, c'est avec un petit bol aussi en 5 métaux. C'est bon pour le sommeil, pour enlever la colère, pour déstresser aussi. Un autre soin, c'est de la luminothérapie relaxation, que je fais aussi également. Pour différentes méthodes, pour le stress, pour libérer des émotions, pour le sommeil, pour des douleurs. Voilà, c'est des lunettes psio qu'on appelle ça. Donc ça permet de mettre les lunettes et envoyer des couleurs, de la chromothérapie. Et dans les oreilles, on a un casque qui envoie des suggestions positives, de l'auto-hypnose, avec une voix, deux voix, trois voix ou quatre voix en même temps pour l'hémisphère droit et gauche du cerveau. C'est fait par des médecins. C'est dans tous les hôpitaux en Belgique. Bon, ici, c'est pas encore très, très déployé, mais c'est très bien aussi comme petit soin. Donc, c'est des séances que j'ai mis très long, de trois quarts d'heure aussi, hein. Voilà, qui permettent aussi de bien se mettre dedans et ça apporte aussi des choses. Chaque soin est différent. Hein. Voilà, libre à chacun de choisir celui qui lui convient ou d'essayer tous, de les tester, pourquoi pas, et de voir après ce qui convient et de continuer. Parce qu'encore une fois, un soin n'est pas miraculeux. Hein. Il en faut quand même plusieurs pour débloquer les choses. Hein. Et pour l'auto-hypnose, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous apprenez à quelqu'un à le faire ou... Non, c'est vraiment juste je mets les lunettes là. Là, j'interviens pas. C'est la personne qui met. Enfin, je choisis les soins que j'ai choisis, mais c'est les voix. Enfin, les voix du monsieur, de la dame ou des deux qui parlent dans les oreilles, dans le casque. Hein? Là, j'interviens pas sur ce soin-là. C'est le seul où je n'interviens pas. Il faut être assez réceptif et se laisser aller aussi. Oui, mais en général, j'ai connu des gens qui me disaient ça sert à rien et au bout de la deuxième ou troisième séance, ils s'endormaient. Voilà, parce qu'on se laisse aller quand même au bout d'un moment. Une fois qu'on a compris le processus ou qu'on fait confiance aussi dans les autres soins, je pense qu'après, on arrive à s'endormir et à lâcher aussi des émotions. Voilà, pas la première séance, c'est rare. Enfin, ça peut arriver, hein, mais je pense qu'il faut déjà connaître le thérapeute et lui faire confiance avant de se lâcher complètement. C'est important. Est-ce que vous recevez des personnes qui ont beaucoup de charge mentale? Oui. Oui, surtout maintenant avec ce qu'on subit en ce moment et ce qui s'est passé avec le Covid. Je pense que les gens sont beaucoup stressés, beaucoup en burn-out, beaucoup avec des peurs. Et je pense qu'il faut vraiment les aider à dépasser ça et surmonter justement tous ces blocages, ces peurs qu'ils ont. Parce que sinon, on va dans un mur, là. Faut vraiment les aider à dépasser tout ça. Franchement, j'en vois de plus en plus, je vais dire malheureusement, mais je veux dire, on est là pour les aider aussi, hein. Heureusement qu'on est là, d'ailleurs, je pense, parce que je pense que c'est peut-être personnel ce que je vais dire, mais le médical ne veut pas tout faire, on est complémentaires, hein. C'est sûr qu'on va pas leur donner des médicaments, tout ça, mais on va les aider aussi à dépasser tout ça et ça a toujours existé par tous les temps, hein. Je veux dire, que ce soit l'énergétique ou la sonothérapie. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Et je pense qu'on va être de plus en plus présent et on va avoir de plus en plus besoin de nous. C'est l'avenir, hein. C'est l'avenir, l'énergétique. Et comment est-ce que vous avez appris à prodiguer tous les soins que vous proposez à votre clientèle? Eh ben, par des formations. Hein. J'ai fait beaucoup, beaucoup de formations. Il y en a beaucoup d'autres que je ne vais pas nommer parce que, voilà, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations. Et puis, à l'intuitif aussi, beaucoup. Parce que je m'écoute beaucoup et je vais beaucoup à l'intuitif. Par rapport à ce que je ressens et en général je me trompe pas, donc faut se faire confiance. C'est pas toujours évident au début. Je pense que ça s'apprend aussi, la confiance en soi et de s'aimer, comme je disais, c'est important pour pouvoir après prodiguer aux autres des bonnes choses et les aider sur leur cheminement justement. Est-ce que vous avez été formée par une structure classique ou pas? Non, par des maîtres Reiki et des personnes en individuel, c'était pas des structures. Moi, je suis pas pour les trucs en groupe, hein, parce que je préfère tout ce qui est individuel, parce que je pense qu'on prend plus de temps et c'est plus respectueux de la personne. Alors, nous allons faire des autres pauses musicales avec la petite découverte que vous nous avez amenée, suivie de Slimane, et on continuera de parler de être soi-même. On se retrouvera juste après. Merci. Sur le 107. Your girl is crying in the night. If she wrong or if she right, je ne sais plus comment faire. Your girl is shining in the night, burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Celui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelle, de chagrin, de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle magnolia, quand j'entends ses musiques nouvelles qui résonne comme des bruits de combat. Your girl is crying

je te tiendrai plus fort, je serai le plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Non, y'a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, des milliers de je t'aime. Mon petit cœur, donne à ton petit cœur des milliers de je t'aime. Mon petit cœur, donne à ton petit cœur des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Sylvie. Nous venons d'écouter deux belles reprises de votre fille qui a le petit pseudo Yukul Eli et suivi de Slimane et sa très belle chanson dédiée à sa fille. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radio Line ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux, Sylvie? Ma fille, je voulais la mettre un petit peu en avant parce qu'elle a un petit peu de mal et je trouve qu'elle a une jolie voix tout simplement. Et puis la dernière chanson, c'est un peu dédicacée à mes enfants, à mes petits-enfants parce que je la trouve très jolie et je pense que les enfants, c'est tout, c'est l'amour de nos vies. Vous avez bien fait de mettre votre fille en avant parce que moi j'ai été subjuguée par sa reprise de Barbara, une chanson très difficile à interpréter et je trouve qu'elle s'en sort très bien. Merci, merci pour elle. Alors vous proposez des formations, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors les formations, c'est des formations Reiki, comme je suis maître Reiki, c'est des formations que je préfère faire individuellement qu'en groupe, c'est un choix de ma part, parce que je trouve que c'est plus respectueux de la personne, on est là pour elle, on peut se poser des questions, de toute façon le SAV, comme je dis toujours après, il est là à vie, je suis toujours là pour recommencer s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, pour leur donner des détails ou pour les aider s'il y a besoin, ils peuvent m'appeler quand ils veulent après. Mais en tout cas individuellement ou à deux, parce que des fois il y a les amis ou le papa ou quelqu'un qui veut le faire à deux, mais je pense que c'est déjà plus respectueux de la personne de le faire sur une journée ou une après-midi. Pour moi, ça me concerne que moi ce que je vais dire, que de le faire en groupe sur un week-end. On prend vraiment plus de temps. Surtout quand, au premier degré, on ouvre 4 fois les chakras, les roues énergétiques. Et la personne, à la fin, donc, elle fait un soin sur quelqu'un et elle peut, voir que les chakras sont bien ouverts, que les mains sont chaudes et que la personne qui est sur la table peut ressentir aussi des choses. Donc, ça lui donne déjà une confiance en elle. Donc, je pense que c'est important de passer vraiment du temps avec la personne individuellement. Voilà. C'est mon choix, en tout cas. Vous êtes une formatrice certifiée, mais est-ce qu'on peut être formateur sans certification? Oh, je pense pas. Pour moi, il faut vraiment, je pense déjà qu'il faut pas aller trop vite. Il y a 4 formations en Reiki. Il faut pas vouloir aller trop vite parce que même moi qui suis maître Reiki, j'ai encore des choses à comprendre et à cheminer, On n'est pas, maître du monde en étant maître Reiki, comme certains le pensent peut-être, Mais je veux dire, non, je pense qu'il faut pas, former tout le monde en étant à faire des formations. Je veux dire, faut prendre le temps. Il faut cheminer. Il faut apprendre des choses et une fois qu'on se sent prêt, on pourra le faire. Mais bon, faut pas vouloir aller trop vite de passer le 1, ensuite le 2. Il faut laisser du temps entre chaque formation, en tout cas. Déjà, le 1, c'est pour soi. Et ensuite, on pense aux autres, encore une fois. Faut déjà faire soi. S'aimer soi et penser à soi. Et faire le travail déjà sur soi. Et ensuite, on peut penser à aider les autres. D'accord. Est-ce que ça se fait en présentiel ou à distance? On peut faire les deux, mais c'est vrai qu'encore une fois, moi, je préfère le présentiel parce que à distance, c'est possible, mais là, ça sera en vidéo, parce que moi, j'ai besoin de voir la personne et de lui montrer des choses, lui faire comprendre. Ça sera pas que qu'au téléphone, je veux dire, vraiment, il faut mettre l'intention et qu'elle puisse bien comprendre ce qu'on va lui expliquer. C'est quand même des choses. Il y a beaucoup de choses, surtout, à comprendre. Et voilà, il y a beaucoup d'informations. Donc, c'est pareil. Si c'est à distance, ça va être en vidéo. On prend le temps. D'accord. Mais bon, encore une fois, moi, je préfère le présentiel. Et pour le présentiel, j'ai vu via votre site que vous proposez du couchage, un hébergement et les repas. Oui, c'est vrai que pour les gens qui viennent de loin, pour pas aller à l'hôtel et puis bon, donc du coup moi j'ai de quoi coucher les gens et de quoi leur faire à manger, donc puis c'est plus convivial qu'on passe la journée ensemble dans ce cas-là que d'aller à l'hôtel et puis de revenir, de faire des allers-retours et puis voilà, on mange ensemble, c'est vraiment plus cool quoi de faire ça dans la journée dans ce cas-là. Et est-ce qu'on peut se soigner soi-même via cette formation? Ben oui, c'est le but du Reiki, c'est de se soigner soi-même, c'est d'apprendre à poser ses mains sur soi et de faire de l'auto-guérison. Je veux dire, c'est le but de tout ce qui est formation énergétique, hein. C'est de prendre soin de soi. D'accord. Vous proposez à votre clientèle d'offrir des chèques cadeaux. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Ben, les chèques cadeaux, ben, justement, il y a, je crois, la fête des mères et la fête des pères qui approchent, là. Donc, les chèques cadeaux, ben, pourquoi pas? Parce qu'on peut se faire du bien à soi-même, on peut faire du bien aux gens qu'on aime aussi. Et je pense que c'est un beau cadeau de leur offrir une pause bien-être, de leur offrir un soin, que ce soit énergétique, massage ou sonothérapie, ou d'offrir les nouvelles, ou une formation, pourquoi pas aussi, hein. Ou alors même des cadeaux bien-être, parce que j'ai une petite boutique à la maison où je vends des pierres, de l'encens, des tapis muraux, des bijoux, voilà. Il y a plein de petites choses pas très chères parce que, voilà, pour la bourse de chacun et pour faire un beau petit cadeau. Et je pense qu'en bien-être, on peut pas se tromper. Ça fait toujours plaisir d'offrir quoi que ce soit. Et je vais en profiter même pour dire, aller plus loin peut-être, pour ceux qui vont écouter mon émission ou qui vont venir pour la fête des pères et des mères, je vais offrir 10 euros sur toutes les prestations. Voilà. D'accord. Ça sera le petit cadeau d'aujourd'hui aussi que je propose pour tout le monde. Comment est-ce qu'on peut vous contacter, Sylvie? Alors, pour me joindre, soit pour me poser des questions, hein, ou pour prendre un rendez-vous, peu importe, hein, je suis à disposition de tout le monde. On peut m'appeler au 06 18 17 43 31. Je vous redis, 06 18 17 43 31 ou par mail à sylvie.hsma, être soi-même, @gmail.com. Et ensuite, je suis sur Facebook, sur être soi-même, tout simplement aussi. Mais voilà, je suis à votre disposition, à votre écoute pour quoi que ce soit. Mmh. Quels sont vos futurs projets avec être soi-même, justement? Ben, je pense que c'est les projets, il y en a toujours plein dans la tête, c'est sûr, mais encore une fois, je veux pas aller trop vite et peut-être pas trop divulguer pour l'instant. Je pense que déjà tout ce que je fais, c'est déjà beaucoup, parce que je prends le temps, comme je disais avec la personne, et je pense que ça me prend déjà beaucoup de temps, donc voilà, comme je suis aussi auxiliaire de vie à côté et je garde encore des animaux vu que j'étais auxiliaire vétérinaire, je pense que déjà tout ça me prend déjà beaucoup de temps et beaucoup d'énergie quand même. Donc je pense que les projets, on verra par la suite, mais il y en a sûrement qui vont arriver et je veux dire, faut laisser faire les choses, chaque chose en son temps. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Sylvie? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Ben, plein de bonnes choses. De continuer à m'aimer, d'aimer les autres, de leur apporter du bien-être. Et moi, ce que je peux leur dire comme message pour finir, peut-être, c'est de s'aimer, tout simplement. C'est de prendre soin d'eux, d'écouter leur corps, parce qu'on n'y pense plus beaucoup, d'écouter son corps, parce qu'on est dans une vie où on court, on court, on court. De prendre du temps, de méditer, de lâcher prise, de sortir de sa zone de confort. Là, je me répète, mais c'est important. Et de dépasser ses peurs, ses croyances, ses formatages, pour arriver à une auto-guérison avec l'aide de thérapeute, pourquoi pas? Parce que des fois, tout seul, c'est pas facile d'y arriver. Il faut un petit coup de pouce. De garder la foi en l'avenir, en un nouveau monde qu'on va créer. Voilà. Dire que prenez soin de vous, c'est important. Voilà. Je vous aime, en tout cas. Vous êtes tous de belles âmes et je pense que vous êtes tout le droit au bonheur. Donc pensez à vous. Et voilà. Je suis là s'il y a besoin. Je voulais juste rajouter un petit truc qui n'a rien à voir avec mon activité. C'est un truc que je fais en plus. Je fais partie d'un réseau Solidarité Active RSA qui est sur Remiremont. C'est les bâtisseurs du Nouveau Monde qui ont pour objectif de fédérer les personnes volontaires autour de projets positifs pour l'humanité dans tous les domaines. On s'engage à s'entraider, à être loyaux entre nous-mêmes et on est animé par la même cause. Voilà. Si ça intéresse quelqu'un, me contacter. RSA, Réseau de Solidarité Active. Voilà, c'est tout pour terminer. On pourra peut-être en parler lors d'une prochaine émission, oui, pourquoi pas. Cette émission est maintenant terminée. Sylvie, merci d'avoir été avec nous. Ben merci Laura et merci à vous tous de m'avoir écoutée. Voilà, je reste à votre disposition. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Ah oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci. Je reviendrai autant que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je suis vraiment envie de parler de beaucoup de choses. J'ai essayé d'être un peu courte, mais c'est pas évident parce que je suis vraiment passionnée par tout ce que je fais. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Merci en tout cas. Merci à vous d'être venu encore une fois. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.